songe encore, oublier les remords. On croit se sentir mieux, même en levant les yeux. Aucun accord ne pourra m'empêcher, laisser couler les larmes pour avancer. Encore, rappelle-toi, nous étions bien plus forts. On voudrait tant pouvoir changer sa peine, un sentiment en soi qui nous obsède. Laisser couler les larmes pour avancer, afin de remonter, espérer.